Bon, alors, ce que j'ai aimé dans le film Street Fighter, c'est de se combattre. Ça m'a bien aimé. Et puis donc, il y a eu Vega, Ryu qui se sont combattus. Et puis aussi au boss final, c'était trop chouette. Et puis donc, à la fin, et ben le méchant, et ben il s'est fait hyper mal. Et puis donc, et ben il a eu comme une piqûre. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait des nouveaux pouvoirs. Et puis ça m'a fait vraiment très beau. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est tous les combats. Et puis aussi, j'aimais bien. En fait, et ben ils ont fait les cours avec Zangief, le gros bêta. Ça m'a vraiment très plu. Bon, je vous dis à la prochaine. Et puis, je vous fais des gros bisous. Bisous!